C'est tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Moi j'ai que la rime pour faire sortir les frères de la rue. Ici je sais que la justice est la seule reine dans la ruche. Qu'elle te brise si tu casses les couilles. Quand technique elle te casse les côtes. Elle t'enferme même si t'encaisses les coups. J'en bats de la pièce, c'est cool. Mais je te jure j'ai appris à battre. J'ai reçu des ruines et mon frère quand tout le reste s'écroule. Je manie le verre, mes sauces pour le lampère. Le soir nos mains se lèvent, les flics nous rossent. Il faudrait laisser faire. Moi j'ai que la rime dans l'arène, j'entends vas-y arrête. C'est la voix du con des voyants de ma bite s'approchant de s'arrêter. Ah ouais. Il est mon son cru, j'en pitié. Laisse qu'il me montre son cul, faut que je lui mette. Y'a pas de nom qui tienne. Retiens le blaze, Barbarossa. J'goûte au coup du daron quand tu goûtais, papy Plaza. Élevé à la dure, pas éduqué, mais dressé. J'ai appris à raser les murs à la maison et vivre stressé. Le sang a coulé, j'en ai laissé sur la nappe. Vas-y, laisse-le rouler le Toulouse de corps jusqu'à Naples. Moi j'ai que la rime, j'suis venu manger la vie avec mon tatin. Faire bouger Jean-Marie de la ville. Le rap, mon thérapeute, le dealer, mon anesthésiste. Écoute mon pote, t'as un peu quand tout le reste hésite. Moi j'ai que la rime, moi, pour sortir ici. Je vois qu'en gris et noir mat, ça fait pas de moi un type dépressif. Haute qualité, voilà la rime. Ne viens pas confondre la CC à la farine. Haute qualité, voilà la rime. Réalité, la mine. Se poche le papier pour la famille. Il voit la marine. Haute qualité, s'il y a trop de putes dans rap, c'est bien qu'il y a trop de charité. Haute qualité, avec ma pile, j'ai mieux donné ça. Taper dans la prod de la robe, mais reconnaissable. Écoute, la rime revient de loin, tout droit d'un squat de Livourno. L'ami vient lire entre les lignes et ne croit pas les journaux. Hé, hé, je te close. Sais-tu de quoi parle ma rime? D'overdose de femmes sans séculin, j'ai pas leur mari. Écoute les mots, se consomme pas avec du coca lemon. Si une soirée en enfer, pas un bal chez les nonnes. D'aucune raison t'en faire si tu craches pas des noms. Alors tu vivras dans le rap, mais si tu clashes pas, t'es mort. Ma rime connaît la fin, lol, bien assis. Entre le béton et le parpaing, elle finit même par prendre racine. Ici on part à 15 ans, bien 6. C'est la sélection naturelle, elle nous veut tous. Et elle a bien été précise. Alors ma rime elle s'emballait, elle vit dans un palais. Où Philippe de Villiers, Laurent Girasson, c'est valet. Chut, chut, coupe-moi le beat, faut les empaler. Allons cramer ces fils de bitch, ne restons pas là à en parler. Pendant que ma rime assassine, question. Que peux-tu faire contre un lion lâché dans une foire aux bestes? J'entends que tu gilles la rime bagarre de rue. Sors pas de la garderie, la voix du bâtard de roue. Parle mal de la gendarmerie. Les mères marrent de rester loin de tout, ma rime en paix. Elle voudrait que toute la France l'écoute avant de partir en paix. Boum, ma rime c'est la voiture bélier dans un carrefour. Elle est venue pour tout piller et renvoyer ça au Darfour. Haute qualité, voilà la rime. Ne viens pas confondre la CC à la farine. Haute qualité, voilà la rime. Réalité, la mine. Se poche le papier pour la famille. Il voit la marine. Haute qualité, s'il y a trop de putes dans rap, c'est bien qu'il y a trop de charité. Haute qualité, avec ma pile, j'ai mieux donné ça. Taper dans la prod de la robe, mais reconnaissable. Haute qualité, voilà la rime. Ne viens pas confondre la CC à la farine. Haute qualité, voilà la rime. Réalité, la mine. Se poche le papier pour la famille. Il voit la marine. Haute qualité, s'il y a trop de putes dans rap, c'est bien qu'il y a trop de charité. Haute qualité, avec ma pile, j'ai mieux donné ça. Taper dans la prod de la robe, mais reconnaissable. Voilà, tu le sais pour les chrome 7 ici. Capable, jusqu'à la mort de 007, on est là. Violent comme un combat de com. Écoute ça, baby, bastard prod. C'est ça, FUR, Alex, Tox, j'ai nos manettes. On se passe comme ça, on baisse l'instru et les canettes. Ok, papa, moi, je suis comme ça pour la famille.